cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah amma ba'd. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-ashir, ay la dixième cause. On est toujours dans les causes pour augmenter sa foi. Wa min dawa'i al-iman wa asbabihi ad-da'watu ila Allah wa ila dinihi wa at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bil-sabr wa ad-da'watu ila asli ad-din wa ad-da'watu ila iltizam sha'a'irihi bil-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Hadha sababun 'azim. Une autre cause pour augmenter notre foi, ad-da'watu ila Allah. Ay propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Ça, ça nous montre أن الدعوة c'est fondé sur الحق, c'est fondé sur العلم. Donc tu propages هذا الحق. Tu propages pas un avis. Tu propages pas ce que les gens ils veulent entendre. Tu propages pas ce qui est le plus facile ou le plus dur. Tu propages الحق. Et هذا الحق. وهذه الدعوة ça va demander ces deux choses, التواصي بالحق, une entraide dans الحق, والتواصي بالصبر, et la patience. Il y en a celui qui fait الدعوة فلا بد من الابتلاء. Et dans notre premier dars on étudie ensemble un exemple عظيم, le meilleur exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولله الحمد. Aujourd'hui on a fini la période Mekwaz, l'Ahd al-Makki, on a fini le Hijra, et toutes les épreuves que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a subi à Mekka et durant le Hijra, et des autres épreuves fil Medina. Limada li annahu il a appelé au haq. Bel c'est le meilleur des messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a fait le plus et le meilleur ad-da'wa ila Allah azza wa jal. Il a été éprouvé, fa la bud min as-sabr. Qal wa ad-da'watu ila asl ad-din. Ça nous montre كذلك ان الدعوه c'est bi'ilm, c'est avec science, et tu commences par asluddin. Et ça montre, c'est une alama pour savoir est-ce que ad-da'wa, elle est correcte amla. Est-ce que celui qui prêche, il est ala ilm amla. La façon de prêcher. Liana, vous avez remarqué que al-ahd al-makki, qu'on vient de finir ensemble, vous avez remarqué que beaucoup de choses n'ont pas encore été légiférées. Vous avez remarqué que la plupart, la grande majorité des versets, etc., c'est sur At-Tawhid, An-Nahy An-Shirk, la base du din. Tomba des années après, et certaines choses ont été révélées, d'autres adorations. Ça nous montre An-Da'wa ila Asl al-Din, c'est la base, c'est le début. Comme on délaisse An-Da'wa ila Asl al-Din, alors que en face de nous, ils ignorent At-Tawhid. Pardon, ils font du Shirk. Et ils ont des énormes manquements dans des fondements de la religion. Et on les appelle à délaisser certains péchés. C'est pas minal hikmah. Même s'ils délaissent ces péchés, même s'ils délaissent ce péché, et ils ne mettent pas en application at-tawhid. Ou ils délaissent tawhid et ils mettent en application shirk. Enfin, c'est d'aucune utilité. Là. Et kazalik, pour pouvoir mettre en application, adorer Allah et s'écarter des péchés, il faut avoir cette base. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque, beaucoup de gens ils sont tombés dans shahawat. Pardon, ils l'avouent. C'est une faiblesse de la foi. Ils disent, je peux pas, je fais ce péché, je sais que c'est vrai. Pourquoi ? Les annahum, ils sont pas prêts. Ils n'ont pas la force de faire cette obligation ou de délaisser ce haram. Pourquoi ils n'ont pas la force ? Est-ce que c'est une force physique le problème ? Là, tu trouves certains, ils sont très très faibles physiquement, ils arrivent à adorer Allah Azza wa Jal et ils délaissent les péchés. Tu trouves d'autres, ils sont très forts physiquement et ils n'arrivent pas à faire un recours, un sujoud lillah. Ils n'arrivent pas à se prosterner une fois pour Allah. C'est pas un problème physique. Pourquoi ? Parce que le cœur, il est pas prêt. Et si le cœur, il est pas prêt, le corps, il ne suivra pas. Donc, ad-da'wa ila Allah, c'est bi'ilm. Avec science. Celui qui n'a pas de science, il fait da'wa par rapport à son niveau. Maintenant, il sait que salat c'est obligatoire et il connaît des gens dans son entourage qui ne font pas salat, il fait da'wa. Il fait da'wa, il leur dit de faire salat, il essaye de leur montrer les bienfaits de la salat, la gravité de la délaisser, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la plupart des gens, ils connaissent l'importance de la salat, ils savent que c'est obligatoire, fait da'wa. Da'wa, ça ne veut pas dire que forcément tu vas faire des cours, tu vas écrire des livres, tu vas te déplacer à droite à gauche. Ça, c'est une compréhension très très restreinte. Il y a plusieurs niveaux. Il y a da'watul anbiya wal rusul. Ça, c'est la meilleure da'wa, la plus vaste, la plus complète. Il y a da'watul warathatil anbiya wal rusul, la da'wa des héritiers de ces prophètes, les savants de la communauté. Il y a da'watul talabat al-ilm. Maintenant, la da'wa des savants, ils vont parler dans des choses très très importantes, ils vont toucher énormément de monde. Ils vont donner des cours, ils vont écrire des livres, ils vont répondre à des questions. C'est une da'wa azim. Tu as da'wat talabat al-ilm. Talabat al-ilm, ils ne sont pas tous au même niveau, les étudiants. Certains, c'est des grands étudiants. Certains, c'est des étudiants qui ont atteint un niveau très, très bon. D'autres, un niveau moyen. D'autres, c'est des débutants. Chacun par rapport à son niveau. Moi, tu as da'wat al-ammi min al-muslimi. C'est pas un talab ilm, encore moins un savant. Là, qu'il, alhamdoulilah, chez lui, maintenant, il sait que son frère, il ne fait pas salat. C'est un fondement de notre dîn. Il dit à son frère, billati ya ahsan, il essaye de au moins un verset du Coran, ou alors s'il l'apprend avant, ou alors s'il le recopie, un hadith, et il dit à son frère. Il dit à son frère, khasatan, si il se dit musulman, enfin, si tu es un musulman, t'as kiff, tu ne fais pas cela. Ou hakada matalan, un de ses parents, il fait du shirk, il va voir les sorciers. Ou il a une aqida, le wali, c'est lui qui guérit, na'oudou billah. Il montre hada. Ah, là, tu vas attendre qu'un savant il vienne chez toi ou un talib ilm pour montrer à tes parents. Na'oudou billah min al-jahl. On doit faire attention. On doit faire attention. Kadalik, al-Ba'd, ils se mettent en avant fi da'wa. Ils se précipitent, ils ont une bonne intention, ils veulent khayr. Lakin, ils n'ont pas étudié inda ahl al-ilm. Ba'dhum, ils ne maîtrisent même pas l'arabe. Et ils se mettent en avant, khasatan, avec ces réseaux sociaux. Et ils se font beaucoup de mal et ils font du mal aux autres. Et vous avez entendu à notre époque. L'époque où qu'on vit, encore plus si Bilad al-A'ajim, Bilad al-Kufr, certains ils en profitent. Pourquoi? Il y en a, le niveau il est assez bas. La plupart des gens ne comprennent pas l'arabe. Et Obama il se met en avant et Ba'd al-Masakin, ils le suivent. Enfin, n'hadhar, le juste milieu. C'est un point essentiel, hada. Anna ad-da'wah ila Allah, c'est pas pour te mettre en avant, toi. Celui qui pense ou qui espère se mettre en avant en faisant da'wah, Hada, il va se faire beaucoup de mal. Pourquoi? Toujours la même chose. Ad-da'wa, c'est une ibad. L'essentiel, c'est que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on essaie de la mettre en avant. Amma nahnu, on n'a pas le niveau et les capacités, et on reste à notre place. A immatu salaf, parmi eux, l'imam Ahmed, rahimahumullah, ils espéraient que personne ne les connaisse. L'imam Ahmed, pour lui, c'était une épreuve. Il disait, b'tulina bishuhra, on a été éprouvé. Les gens, ils nous connaissent. Ah, oula, ils auraient pu faire da'wa sans que personne les connaisse, ils l'auraient fait. Lakin, la chakana, celui qui a atteint un certain niveau, un très haut niveau, enfin, les savants, très très vite, ils sont connus. Qala, wa da'watu ila altizam shara'i'ihi bil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ça, c'est une base de notre dîn. Qala azza wa jal, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Et As-Sahaba radiyallahu anhum, il faisait le bi'a les Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahum, il devait faire un nasiha li kulli muslim, comme le hadith Jarir radiyallahu anhum. Et d'autres, ils faisaient le bi'a bi al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, annahum, ils allaient montrer le bien et interdire le mal, et faire la da'wa. Qal wa bidhalika yakmulu al-'abd bi nafsihi wa yukammilu ghayrihi. كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربعة. هذا سنمونتر أن المسلم المؤمن يدوى بنسي à ses frères. الله سبحانه وتعالى يتوى vers les portes. Tu assistes à des dros. Tu sais lire l'arabe. Tu as une certaine عناية بالعلم. Tu écoutes des cours. Tu apprends certaines choses. Bien sûr, l'intention, c'est pour te corriger toi, pour améliorer ta situation, là qu'il ne pas oublier ses frères, encore plus ses proches. Fallait hada al-Imam Ahmed, quand ils lui ont demandé yani an-niyya fi talab al-ilm, pourquoi on apprend, pourquoi on étudie, en d'autres mots, ça doit être quoi notre intention, qala rahimahullah raf'ul jahl 'an nafsik wa 'an ghayrik. Ça montre que al-muslim, encore plus plutôt talib al-ilm, il doit pas être égoïste. J'apprends, j'ai mes doros, J'ai ma lecture, j'ai ma révision, j'ai ma famille, ça s'arrête là. Hada, là, il y a un bruit. Allah subhanahu wa ta'ala, si t'as ouvert les portes, tu dois penser à tes frères. Non, si, ha. Tu lui montres, tu l'aides. Mais chacun y pense à lui. La da'wa, là, chacun aura beaucoup de mal à se propager. Faqala yakmulu al-'abd bi nafsihi, wa bidhalika yakmulu al-'abd bi nafsihi. Et avec da'wa, tu vas t'améliorer toi-même. En faisant da'wa avec en prêchant et kadhalik yukammil ghayra kadhalik tu vas être une cause pour améliorer la situation des autres kama aqsama ta'ala bil 'asr anna jins al insan la fi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala il a juré fil Qur'an wal 'asr inna al insana la fi khusr. Jins al insan, l'être humain, il est en perdition, il court à sa perte, et tous les êtres humains illa man ittasafa bi sifatin arba'a, thumma une exception. إن الإنسان لفي خسر إلا هذا استثناء أي excepté sauf qui من اتصف بصفات أربع. الله سبحانه وتعالى il a cité quatre caractéristiques et ces quatre صفات elles sont très très importantes. لماذا؟ لأن الله عز وجل il a juré que tout le monde est en perdition, tout le monde, l'être humain sauf ceux qui ont ces quatre caractéristiques. Ça nous montre, ces quatre caractéristiques, c'est les causes pour être sauvé. On connaît tous, walillahi alhamd, cette sourate. Et cette sourate, elle a des ma'ani azima. Qala, man ittasafa bi sifatin arba', al-iman, wal-amal al-salih. Les deux premières caractéristiques, al-iman, la foi, illa alladhina amanu, wal-amal al-salih, wa amilu al-salihat. Et la foi et la mise en application. Œuvrer, faire des bonnes œuvres. Vous avez remarqué que ces deux, c'est pour toi. Al-Iman, c'est toi-même tu dois croire. Wa'amilu al-salihat, al-amal salih, les œuvres que toi tu vas faire. Donc ces deux points, c'est pour toi. Wa'tawassu bil-haq, wa huwa al-ilmu al-nafi', wa'tawassu bil-haq, ça c'est la science. Comment tu vas t'entraider avec tes frères croyants dans la vérité? Avec l'ilm. Il faut de la science. Donc ça c'est la science. والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل خيره. Les deux dernières caractéristiques, la science et la patience, ça va être une cause pour améliorer la situation des autres. Dans sourate l'Asr, il y a les deux cas, toi-même et les autres. Il y a la da'wa qui est fondée sur la science, la mise en application, et il y a le prêche et la patience. Ou le fait de prêcher et la patience. قال وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان. Ça fait partie des plus grandes causes pour augmenter sa foi. الدعوة. الدعوة إلى الله. Avec هذا القيد. Vous avez remarqué à chaque fois, Cheikh Saadi قال الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله. Pourquoi? Parce que certains qui font da'wa, ils font pas ad-da'wa ilallah. Ils font ad-da'wa pour eux-mêmes. L'essentiel, c'est que la notoriété, l'argent, les suiveurs. Et cette intention, cet objectif, il est très très grave. Limada, liyana silhaq. Le haq, c'est quoi? C'est la religion d'Allah. Il s'oppose à ses envies de ce prêcheur. En d'autres mots, s'il contredit la vérité, ou plutôt s'il suit la vérité, il risque de perdre des suiveurs ou de gagner moins d'argent. S'il fait ad-da'wa ilallah, ça ne va pas lui le déranger. Abadan, il va appeler à Allah, il a moins de suiveurs. Ce n'est pas un problème. Allah, il guide qui il veut. Et il ne gagne pas d'argent avec da'wa, ce n'est pas le but. Celui qui veut gagner de l'argent, qu'il travaille. Tu veux gagner de l'argent, fais les causes pour gagner de l'argent. Mais da'wa ilallah, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Da'wa ilallah, c'est pour gagner des hasanat. C'est pour aider les autres. On vit à une époque... عيادا بالله أن الدعوة إلى الله خاصة للجهال للبخشر دولي قرمان في بلاد الغرب وغيره من في بلاد المسلمين يا ce phénomène عيادا بالله أن الدعوة إلى الله c'est devenu pour l'argent. حتى les sujets sont orientés. Tu veux gagner de l'argent, ils connaissent même le système. Parle de mariage, parle de la mort, fait la biographie du prophète, il a arrêté avec, ils disent ce qu'ils veulent, bien sûr, ils vont pas appuyer ou que, tu vas les trouver énormément, tu critiques personne, Kadhalik, tu parles, tu choisis des sujets, tout le monde est d'accord. Faut être véridique, il faut être bon avec son voisin, etc. Tout le monde est d'accord, même le kafir, il va pas te harb. Thomas, ils ont énormément de suiveurs. Au départ, bien sûr, c'est fisabilité, c'est gratuit, il faut s'entraider. Du jour au lendemain, ça devient payant. Thomas, c'est des sommes énormes. Thomas, c'est au nom de, je me consacre à la religion d'Allah, donc je mérite un salaire comme ceux qui travaillent. Personne ne t'a dit de te consacrer à elle. Personne ne t'a imposé à elle. Tu t'es imposé toi-même, Thomas, tu essayes d'en tirer profit. Ouais, il a, personne ne t'a dit, tu as besoin de l'argent, tu as le droit d'arrêter les doros une semaine, va travailler. Ondoro, quand l'asl, il est pas bon, il est mauvais. Quand les racines de hadihi shajara, elles sont mauvaises. La shajara entière, elle devient mauvaise. On vit à une époque, on va même pas détailler leur niveau. Même s'ils auraient un bon niveau, ils expliqueraient correctement. Les prix, ces prix-là, c'est du dhulm, c'est de l'injustice. Ouais, pour la salat, ils demandent 500 euros, on ne cite combien. 500 euros, c'est le salaire d'un, c'est deux salaires d'un musulman, dans pays musulman, d'un homme. Deux salaires. Oui, il demande deux salaires pour quelques assises. Enfin, et al-Gharib, c'est que tu trouves, bah, al-Muslimin, ils suivent Haoula, ils payent et ils les défendent. Pourquoi? Ces bases, elles ne sont pas maîtrisées. Et Haoula, le jour où ils auront atteint ce qu'ils veulent comme objectif dunyaoui, vous verrez que ad-Da'wa, c'est le dernier de leurs soucis. Et ba'dhoum, ça commence. Au début, c'était des cours, Thomas, c'est des formations, Thomas, ils se filment. On dirait le Abdalel. Alors, Da'wa, c'est devenu, je raconte ma vie. Tu vois, dans les réseaux, le matin, il prend le petit déjeuner, il filme, Thomas, il est avec ses enfants, Thomas, le soir, il fait du sport, et tu trouves, Umma Minanna, s'ils le suivent, Na'oudou Billah. Da'wa ilallah, al-insan, il cite son parcours, ou il raconte sa vie personnelle. Enfin, intabihou li hada. Ad-da'i ilallah. Si, ad-da'wa, elle n'est pas fondée sur at-tawhid. Manhaj as-salaf. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mise en garde contre les égarés. L'appel au bon comportement. Il a Si vous voyez c'est trop personnel, c'est sa vie, et c'est basé sur l'argent, et c'est pas axé sur at-tawhid, etc. Faites attention, ya ikhwan. Faites attention, hadith c'est une alamat char. Wallah musta'an. Qala rahimahullah, wa dhalika anna nafs ad-da'wati ila Allah wa an-nasiha li 'ibadihi min akbar muqawiyat al-iman. C'est parmi les causes pour augmenter la foi et de faire ad-da'wa ila Allah. Wa sahibu ad-da'wati la bud an yas'a bi nasri hadhihi ad-da'wa wa yuqim al-adilla wal barahin 'ala tahqiqiha wa ya'ti al-umur min abwabiha. Donc ad-da'i ila Allah, vu que il prêche, il appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, fala shakka annahu, il va faire des efforts pour étudier le Coran, la Sunna, pour les mémoriser, pour les propager. Il va réviser, il va. Tout ça, c'est des causes pour que sa foi, elle augmente. قال وياتي الامور من ابوابها. Ça, c'est très très important, c'est ce qu'on disait. أن الداعي إلى الله, il doit commencer par le début. Tu veux rentrer dans une maison, tu rentres dans une maison, tu rentres par la porte, tu rentres pas par la fenêtre. وأتوا البيوت من أبوابها. هكذا قال جل وعلا. Tu rentres par un bayt, tu rentres par le bab. Par la porte, tu ne rentres pas par la fenêtre. C'est pour ça que la porte, une des portes les plus importantes fait talab al-ilm, c'est rentrer par bab apprendre inda al-ulama. Mais celui qui n'apprend pas inda ahl al-ilm, tu trouves kathiran annahu yatakhabbat, annahu il est instable. Une petite chose, ça peut le faire bouger. Il peut flancher, il peut baisser les bras, il peut très vite mélanger. Le fait de prendre l'ilm inda ahli, tu vois les savants, tu vois comment ils font. Tastafid de la science, du comportement et la façon de faire. قال ويتوسل الى الامور من طرقها وهذه الامور من طرق الايمان وابواب. Donc ça nous montre clairement que ad-da'watu ila Allah, c'est pas comme on veut. C'est pas comme on veut. قال عز وجل ud'u ila sabil rabbika bil hikmati نعم قل هذه سبيلي ad'u ila Allah ala basira. C'est ce que je cherchais. Ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Ça, ça nous montre un ta'awun, on doit suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre le Sahaba radiallahu anhu. Tout ça, ça doit être à la basir, à la ilm. Ça, ça nous montre un ta'awun. Il y a une façon de faire. C'est une ibada. Amma, l'insan, il fait rentrer de l'argent, thumma il délaisse le tawhid, thumma des choses gharibas. Certains, ils font ta'awun. Tata'ajib. Certains, ils font ta'awun, ils n'ont même plus de livres. Pourquoi? Vous avez remarqué pourquoi? Les madali annahum, ils s'adaptent au public. On vit à une époque, là, les audios, ça doit être pas plus de 4 minutes, 5 minutes. Il sera avec nous, certains, il serait déjà parti il y a très longtemps. Alhamdulillah, ça fait bientôt une heure et demie. Bradhom, c'est 5 minutes. Il s'adapte à ceux d'en face. Il faut 5 minutes. Donc les livres, ils ont délaissé. C'est trop long. Et c'est que certains sujets que tout le monde aime écouter, l'actualité. Bradhom, c'est devenu des journalistes. Wallah, ils n'ont rien à voir avec Da'wa ilallah. C'est des journalistes. Comme le journal de 20h ou à la radio, c'est les mêmes sujets. Un tel il a fait, un tel kada. Et Ba'adoum, ils citent leur opinion personnelle. Hadi, c'est une da'wa ilallah. Ne perdez pas votre temps avec ha'oula. Da'wa ilallah, c'est celui qui t'enseigne le Coran, qui t'enseigne sunnah, qui t'enseigne l'iman, qui t'enseigne la vie du prophète, alayhi salam, qui t'enseigne le tawhid, qui t'enseigne comment faire salat, comment te comporter avec les autres, etc. Qui t'enseigne ta aqida al-salaf. Amma, les sujets d'actualité, si vraiment quelque chose elle te concerne, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوضيحهم بالحق والصبر على ذلك لابد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل. Ça c'est une autre preuve que الدعوة c'est une cause pour que ta foi elle augmente. Pourquoi? لأن الجزاء من جنس العمل. Si tu fais الدعوة إلى الله, ça prouve que tu veux le bien aux autres, tu veux enseigner aux autres, tu veux être une cause pour que la situation des autres s'améliore. Allah va améliorer ta situation. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. C'est un ordre d'Allah. On doit s'entraider. Si tu aides ton frère, Allah il t'aidera. C'est pour ça que ad-da'watu ila Allah c'est un sebab pour ar-rizq. Allah il te donnera, Allah il te guidera, Allah il t'élèvera. Qala فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avec الدعوة إلى الله, il va te donner plus de iman, il va t'élever avec التوكل عليه, tu vas placer ta confiance en lui. Et si tu as l'iman et التوكل, فكما قال الشيخ رحمه الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. C'est la meilleure cause pour avoir le dessus sur les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shayatin, que ce soit des êtres humains ou des djinns. Comme قال تعالى, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Ça englobe shayatin, le djinn ou l'ins. Ils n'ont pas d'emprise. Sur qui? Sur celui qui place sa confiance en Allah et bien sûr qui croit en Allah azza wa jal. قال وأيضا فإنه متصد لنصر الحق ومن تصدى للشيء فلابد أن يفتع عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. Ça nous montre l'importance de prêcher ce haq et de mettre en garde contre tout ce qui contredit le haq. فاحذروا, prenez garde de ceux qui essayent de vous écarter de المنهج السلفي الواضح الصافي. Appel au tawhid, mise en garde contre le shirk. Appel à la sunna, mise en garde contre le bid'ah. On appelle à revenir au savant de la sunna, mise en garde contre Ahl al-Bida'a wa al-Dalal. Wa hakada. Tout ça, c'est une cause pour que l'iman, il monte. Et celui qui secourt al-Haq, la chacun Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui ouvrir les portes pour suivre had al-Haq. Et s'il suit cette vérité, la vérité du Coran et de la sunna, sa foi, elle va monter. Qala rahimahullah, faslun. ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. La dernière cause, la onzième, elle est très très importante. أن من أهم مواد الإيمان ومقوياته, parmi les principales causes pour renforcer notre foi, augmenter notre foi, c'est s'écarter. On doit s'écarter, on doit connaître أولاً, puis s'écarter de tout ce qui contredit cette foi. Elle annule complètement ou la diminue. Al-kufr, la mécréance. Al-nifaq, l'hypocrisie. Al-fusuq, les péchés. Qala rahimahullah. فإنه كما أنه لابد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلابد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق. Bien sûr, pour que la foi l'augmente, on doit faire les causes. Et on en a cité 10, rahimahullah. Et la 11e, كذلك, pour que notre foi l'augmente, on doit s'écarter de tout ce qui peut faire du mal à notre foi. Que ça soit l'annuler complètement, iyadam billah, ou l'affecter, la diminuer. قال فلابد من ذلك من دفع الموانع والعوائق وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها. الإقلاع من المعاصي délaisser les péchés. Vu que l'insan il est pas infaillible, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، هكذا قال جل وعلا في الحديث القدسي. التوبة. On s'écarte des péchés, celui qui a fait un péché, يتوب. Il se repent. قال وحفظ الجوارح كلها من المحرمات عن المحرمات ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علو في نعم ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. Ces deux maladies qui attaquent les cœurs, ces deux maladies qui causent la faiblesse de foi. بل عيادا بالله, ça peut aller très très loin et l'insan perd complètement sa foi. الشهوات والشبهات. الشبهات القادحة في علوم الإيمان. الشبهات ça va attaquer, ça va toucher tes connaissances, ta croyance dans l'Iman. مثلا بعضهم عيادا بالله ils ont des شبه أن الله سبحانه وتعالى il est pas au-dessus, il est partout. C'est une شبهة خطيرة. بعضهم ils ont des شبه أن القرآن c'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Cette شبهة c'est de la mécréance. الشهوات قال المضعفة لإرادات الإيمان. الشهوات ça va affecter la foi et ça va l'affaiblir et l'insan il aura beaucoup de mal à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il va sentir yadam billah des facilités à faire des péchés et il aura beaucoup de mal à délaisser ses péchés. قال فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. Ça nous montre هذا أن الإنسان لابد أن يجاهد. Ton cœur il est entre ces deux إرادات, le bien et le mal. Ta foi, ta sincérité, ton amour d'Allah سبحانه وتعالى, ton amour du messager عليه الصلاة والسلام, ça te pousse à obéir à Allah سبحانه وتعالى. Ton nafs, ton âme, الشيطان etc. il te pousse à désobéir. فَلَا بُدْ مِنْ هَذَا الْصِرَاعِ cette lutte دائما dans notre cœur, chacun de nous. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts pour apprendre et mettre en application pour que notre foi elle monte. وَإِلَّا la foi elle descendra. لَا بُدْ لِيَنَّا celui qui ne fait pas d'effort تَظُنُّ أَنَّهُ il va rester neutre, il n'apprend pas son dîn, il ne fait pas d'effort pour appliquer et il se dit je reste comme ça. الشيطان il prendra le dessus. Son cœur il tombera malade et on le voit hada tous les jours. Et jour après jour son cas il s'aggrave. Mais celui qui combat, qui lutte, annahu il a fait un péché, il se repent. Il a fait une erreur, il se corrige. Wa hakada il s'améliore avec l'ilm etc. Allah subhanahu wa ta'ala siftah alayhi al-abwab. Allah il va le guider. قال فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه. Celui qui est préservé de ces deux fitnas, fitan al-shubuhat, et ces fitan, qui c'est qui les propage? C'est a'immatu al-dalal, ulama al-su, ahlul bid'a wal-dalal wal-zanadiqa wal-kafar. Chacun propage des ambiguïtés concernant la religion, etc. Celui qui est préservé par ces fitan, comment être préservé de ces fitan? En apprenant son din. T'écoutes pas n'importe qui, akhil kari. Tu reviens aux savants de la sunna, fais attention à tes fréquentations. Apprends ton dîn, commence par l'essentiel. Petit à petit, tu vas renforcer ton cœur. Au moins, tu auras de la force, walillahi l'hamd, pour repousser ces choubas. Amma, parler avec tout le monde, se mélanger, pas faire des efforts dans le ilm, écouter n'importe qui. Voilà, chacun a le cœur, les portes elles sont ouvertes pour les choubouhats, pour les ambiguïtés dans ce cas-là. Qal wa fitan al-shahawat. Qui c'est qui les propage? C'est Ahlou, Al-Fujur ou Al-Fisq. Ils propagent la nudité, ils propagent tout ce qui concerne fitnat an-nisa, etc. Al-haram, l'usure, tout ce qui est lié au ventre, à shahwa, aux envies, aux passions. Comment te préserver? Kadalik, en apprenant ton din, en apprenant ta aqida. Tu sais que celui qui donne, c'est Allah. Tu as la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend. Kadalik, tu as la conviction, en cette dunya, c'est une fitna. Tu as la conviction, en si tu patientes, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera ce que tu veux, yawm al-qiyam. Tu te préserves et tu patientes un court instant. Thomas, tu auras ce que tu veux pour l'éternité. Hakada, on se préserve de cette fitna. Qala thumma imanuhu. Naam, tamma imanuhu. Aïe, en s'écartant de fitan al-shubuhat ou fitan al-shahawat, ta foi, elle va augmenter. Et wa qawya yaqinu, kadalik, al-yaqin, tu auras la certitude encore plus. وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل الوابل سي المطر سي الماء لا بلوي قال فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل قال الشيخ سعدي أي مطر قليل même si ce jardin, cette terre, elle n'est pas touchée par beaucoup d'eau, il y aura toujours des profits. Limada, il y en a la terre, elle est taïba. La terre, elle est bonne. Qala, wallahu bima ta'amalouna basir. Ça, c'est mathalu al-mu'min qui prend soin de son dîn, qui fait attention à ses fitan. Tu trouves, walillahi alhamd, anna hadihi shajara qu'il a dans le cœur, cette fois, toujours il y a des fruits profitables. Moment de difficulté ou de facilité. Richesse ou la pauvreté. La bonne santé ou la maladie. Il est seul, il est en groupe. Il est toujours à la khayr. Même quand il a des manquements, fayatoub ilallah, an-nasiha, etc. Alhamdulillah, il revient. Qala wa mata kana al-amru bil-aks, bi an istawlat alayhi an-nafs al-ammaratu bis-su wa waqa'a fi fitan ash-shubuhat wash-shahawat aw kilayhima in tabaqa alayhi hadha al-mathal wa huwa qawluhu ta'ala أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ أَوْ أَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُمْ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ تَأَمَّلُوا هَذَا الْمِثَالِ. Cette personne qui avait un jardin, et ce jardin avec énormément de khayr, عِنَبْ wa نَخِيل, des dattes, des raisins, des fruits, etc. Et كذلك أصابه الكبر. Il a atteint un certain âge, la vieillesse, ou له ذرية ضعفاء. Et sa descendance, ses enfants, ils comptent sur lui. Et leur risque, la cause, c'est ce jardin. Et eux-mêmes, ils sont faibles, ils ont que ça. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Donc, ce jardin, il est touché par une tornade. الإعصار, c'est الريح الشديد, les ouragans, les tornades. فيه نار. Dans cette tornade, il y a du feu. فاحترقت. Il reste plus rien de ce jardin. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ça nous montre quoi? Ça nous montre أن الإنسان à cause de certaines choses, الكبر والرياء الشرك l'injustice, il peut perdre une chose, une ni'ma que Allah lui a donné. Ce jardin ou autre. هذا مثل. قال فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين. Deux choses. الإيمان et التوفيق. الإيمان, on vient d'étudier ensemble les causes pour renforcer, pour augmenter hadal iman. Al-muwaffaq, ça vient de at-tawfiq, demande Allah at-tawfiq. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui facilite. Enfin, tu fais les causes, fal-abd al-mu'min, fais les causes pour avoir l'iman et place ta confiance en Allah et demande-lui qu'il te facilite. La yazal yas'a fi amrayn. Qawluhu yas'a, ça nous montre une lutte, un jihad. Et ta'ammalu qal la yazal, c'est une lutte en permanence. Si tu baisses les bras, ton ennemi, la yarhamouk. Ton ennemi, c'est qui? T'as un ennemi en toi. Et t'as un ennemi qui te voit et que tu ne vois pas. Celui qui est en toi, c'est ton nefs. Ta propre âme, c'est un ennemi. Si tu baisses les bras, elle t'emmène à ta perte. Et kadalik, tu as un ennemi. À chaque instant, il peut t'approcher et te faire du mal. En toi, tu ne le vois pas. Al-shaytan. Et kadalik, les autres ennemis, min junou de shaytan, al-kafara wa ahlul bid'a, etc. On doit, le matin quand on se réveille, on doit avoir cet objectif. On ne doit pas vivre, iyadan billah, que Allah nous a créé sans aucun but. On ne doit pas vivre comme si on était, iyadan billah, des kafara ou des athées. Là, on est des mu'minoun. Et le mu'min, quand il se lève le matin, il doit penser à hada. Pourquoi Allah m'a créé? Qu'est-ce que je dois faire? Wa illa al-insan, il se fera beaucoup de mal. Qala la yazal yas'a fi amri. Le mu'min, donc, toujours, il fait des efforts pour deux choses. Ahaduhuma tahqiq usul al-iman. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début. Faire des efforts au sol de l'iman. Apprends ta aqida. Apprends ta aqida. C'est qui Allah? Azza wa Jal. Apprends ta aqida, l'iman, bil malaika, wal kutub, wal rusul, al yawm al akhir, al qadr. Apprends le qadr. Est-ce que tu as des bases solides dans le destin? Ou la première chose qui arrive, khalas, l'insan, il se remet aux causes, il a des doutes. قال والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها او ينقصها من الفتن الظاهره والباطنه. La deuxième chose, s'écarter, repousser, combattre les choses qui annulent ou qui vont entacher, qui vont diminuer ta foi. Le premier pilier, la foi. Le deuxième pilier, les choses qui contredisent cette foi. Le premier, tu essayes de le faire. Le deuxième, tu le repousses. C'est une lutte. Vous avez remarqué que certains, ils ont oublié, tellement qu'ils sont attirés par Dunia, ils ont deux piliers. Le premier pilier, c'est l'argent, comment gagner l'argent, et tout faire pour augmenter cet argent. Le deuxième pilier, repousser la pauvreté. Et surtout, il faut que rien touche cet argent. Il faut qu'on garde ce capital, on essaie de le fructifier, l'augmenter, même si c'est fil haram, même si on délaisse notre dîn. Na'oudou billah. Donc, pourquoi j'ai cité ce deuxième exemple? Pour montrer que, dans tous les cas, l'être humain, il est dans cette lutte, dans tous les cas. Enfin, choisis la lutte qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis la lutte, hada al-jihad, qui va te conduire ila jannat arham ar-rahimin subhanahu wa ta'ala. Qala wa yudawi ma qassara fihi min al-awwal wa ma tajarra'a alayhi min al-thani bit-tawbati an-nasuh. Vu que, on le répète, on n'est pas parfait, on n'est pas infaillible, vu que tu auras et j'aurai, on aura tous des manquements concernant la foi, la mise en application, certaines obéissances à cause de certains péchés, de manquements, etc. At-tawba, Allah, il est rafour, il est rahim, il est karim. Un problème, on fait tawba, on se ressaisit. Qala wa tadaruk al-amr qabla fawatihi. Qala ta'ala, inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsiru. Ça nous montre anna ha'ula alladhina attaqaw. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas infaillibles. La preuve, قال عز وجل, إذا مسهم طائف من الشيطان. S'ils sont touchés par une faiblesse, un manquement, un péché, quelque chose de grave, moins grave, qu'est-ce qu'ils font? تذكروا. Ils se rappellent. Ils se rappellent. Et هذا التذكر, ça demande du ilm. أنه, je me suis trompé dans ça. J'ai fait ça, c'était haram. Est-ce que tu es condamné? Abadan. Tu n'es pas condamné. Tant que l'insan, il est vivant, tant que les portes du repentir ne se sont pas fermées, tu n'es pas condamné. Wallillahilham. Tu fais tawba. Même si le péché est grave, ben, on peut aller plus loin, même si c'est de la mécréance. Amma aqidat ahl sunna, si ce n'est pas de la mécréance, même si l'insan ne fait pas tawba, il n'est pas condamné. Il est tahta al-mashi'a. Lakin il est ala khatar azim. Amma, on prend le cas extrême, la mécréance. Celui qui est mécréant, qui meurt ala al-kufr, il est condamné. Tant que tu es vivant, même si l'insan, iyadan billah, waqa fi naqid min nawaqid al-iman, ou le kufr al-sarih, il n'est pas condamné. Qala azza wa jal, tadhakkaru fa idha hum mubsirun. S'il fait tawba d'un péché, Allah lui pardonne. S'il fait tawba d'une bid'a, Allah lui pardonne. S'il fait tawba, il demande pardon et il délaisse la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Inna Allah yaghfiru adh-dhunub jami'a. Allah il pardonne tous les péchés tant que l'insan il est vivant. Qala ay mubsirun al-khalal alladhi waqa'u fihi. Et ça c'est une ni'ma. Mubsirun ay c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite de voir les manquements qu'ils ont eus. Ça nous montre kadhalik l'importance d'accepter le nasiha. Wardanas, ils sont toujours sur leur garde. Au lieu de se remettre en question. Khasatan, quelqu'un leur montre qu'anahum, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Directement, ils cherchent des excuses. Mais j'ai pas voulu là. Si c'est une erreur, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est une ni'ma que quelqu'un te montre ton erreur. Ou toi-même, tu t'en rends compte. Enfin, on essaie d'appliquer le verset. Tadhakkaru, fa idha hum mubsirun. On se rappelle. Si c'est quelqu'un qui nous montre, on l'écoute. Si c'est la vérité, alhamdoulilah, on ouvre les yeux. Pas que les yeux de la tête. Al-basira qui est dans le cœur, la clairvoyante. On accepte الحمد لله فإذا هم مبصرون tu seras guidé. قال والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعدى للإنسان فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه فعادوا إلى حالهم الكاملة. C'est une ni'ma. Tu as eu des faiblesses, tu as eu un manquement, même si c'est long. Un jour, deux jours, une semaine, un an. بعضهم مثلا ils sont éprouvés. نسأل الله العافية والثبات. Tellement qu'ils faiblissent, ils délaissent salat, ils s'écartent de leurs frères. Ils tombent dans les ma'asi. هؤلاء s'ils prennent un peu de temps et ils se rappellent إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أن الشيطان les a égarés تذكروا ils se rappellent فإذا هم مبصرون c'est une cause pour qu'ils ouvrent les yeux du cœur et ils se repentent ils vont revenir à حالهم الأول. Allah subhanahu wa ta'ala il accepte le repentir et alhamdoulilah tu redeviens un croyant comme les autres, tu refais des efforts et ce qui est passé alhamdoulilah tu t'es repenti. Ça c'est une bouchra azim. Non, on ne doit pas penser qu'on est condamné, désespéré. Et Kadalik, en tant que prêcheur, le point précédent, on ne doit pas faire désespérer les autres. Qala wa'ada aduwwuhum hasiran dhalila. Kadalik, en te repentant, tu vas humilier ton ennemi, al-shaytan. Ce qui fait le plus de mal à al-shaytan, c'est quand on délaisse les péchés, on se repent. Qala wa ikhwan al-shayatin yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. قال الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك. نعم الشيطان et ses adeptes, ses suiveurs, ils font un jihad في سبيل الشيطان eux. Et ils baissent par les bras, ils font beaucoup d'efforts. فنحن, on doit كذلك se ressaisir et avancer. قال والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. نسأل الله العافية. On fait attention. Ça montre que le mu'min il a énormément d'ennemis. Et ça c'est min al-basira. Le fait de reconnaître que tu as des ennemis. On parle pas des ennemis واحد qui t'a fait du mal par rapport à de l'argent ou quelque chose de dunya. Ça peut être un croyant. L'amr, il est yassir. Là, on parle al-a'da, les ennemis qui veulent te retirer cette ni'ma al-iman. Les ennemis parmi shayatin al-ins ou al-jin, min al-kafara wa ahli al-bid'a wa al-dalal, qui veulent t'écarter de l'aqidat al-salaf. Cette foi qu'on étudie wallahi al-hamd ensemble dans ce livre. Ce dernier point, à partir de qawluhu fal-abd al-mu'min, etc., c'est le résumé de tout ce qu'on vient de voir. Le résumé, les ma'adal, il y en a le prochain fasl, c'est un autre chapitre. Qala Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin min fadlika wa minnatik innaka antal alimul hakim. Du'a'un jamil. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Naktafi bihada. Et le prochain cours, bi'idhnillahi azza wa jal, on commencera le troisième fasl sur Fawaid al-Iman, et les fruits. Après avoir cité les causes, il a cité les fruits. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.